Merci, roi de gloire. Merci, Père céleste. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Bénis ta parole. Bénis nos cœurs. Ouvre ton ciel, Seigneur, sur chacun d'entre nous. Montre-nous, Seigneur, ta face. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, jusqu'hier, nous étions en train d'essayer de comprendre à profondeur et davantage les phénomènes de l'obéissance et désobéissance. Mpaka jana tulikuwa tuko tunaelewa juu ya mambo inayohusu kutii na uasi. Comme je l'ai promis, nous voulons partager sur comment le cœur de l'homme devient désobéissant. Quelles sont les choses qui conduisent un cœur à devenir désobéissant? Na kama nilivyokuwa nikiahidi, tunatafuta kuzungumzia ni mambo gani ambayo yanasukuma moyo wa mwanadamu igeuke moyo wa kuasi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais avant cela, na mbele ya hiyo, laissez-moi vous montrer quelque chose. Achani waonyeshe jambo moja. D'abord, rappelez-vous kwanza kumbukeni que Dieu, ya kwamba Mungu, pour nous donner instruction d'obéissance, ili atupatie agizo la kutii, il nous montre son visage rayonnant. Anatuonyesha kwanza uso wake wenye kung'aa. Il nous montre son bon cœur. Anatuonyesha moyo wake mwema. Il nous aide à nous rendre compte qu'il est une bonne personne. Anatusaidia tuelewe ya kwamba yeye ni mtu mwema. Pour que l'environnement de l'obéissance ili mazingara ya soit un environnement positif et constructif. Iwe mazingara nzuri na inayojenga. Parce que notre Dieu, sababu Mungu wetu, ne voudrait pas devenir devant nous comme un tyran. Hapendi akuje mbele zetu kama mtu mwenye kututawala kwa kutukaza. Il aime que nous acceptions de tout cœur. Anahitaji tukubali kwa moyo. Ce qu'il nous dit de faire. Ila ambayo anatuambia tufanye. Que nous acceptions librement et volontairement. Tukubali kwa uhuru na hiari yetu. Ce qu'il nous propose. Ila ambayo anatuonyesha. Et jamais Dieu nous a proposé quelque chose qui est pour notre malheur. Na hakuna hata siku moja ambapo Mungu ametuonyesha kitu ambacho kinakuwa kitu kinachotuletea onyo. Jamais. Hata siku moja. Il est arrivé que Dieu agisse dans des cas extrêmes. Ilifika kwamba Mungu anatenda ndani ya hali ambazo ziko ngumu. Comme au temps d'un des prophètes à qui il demanda de marier une prostituée. Kama kwa wakati wa manabii ambapo aliomba nabii mmoja afunge ndoa pamoja na kahaba. Parce qu'il était exaspéré, il était fâché contre son peuple. Sababu alikuwa amekasirika juu ya taifa lake. Il voulait aider son peuple à se rendre compte de la douleur qu'il ressentait. Alipenda aonyeshe taifa lake ile uchungu aliyosikia ndani mwake. C'est-à-dire son peuple se comportait comme une prostituée. Ni kusema taifa lake ilikuwa inaenda kama vile kahaba. À tous les hommes. Ambalo inajitoa kwa kila mwanaume na yeye. Alors qu'il y a son mari. Ichapokuwa kuna mume wake. Alors il dit au prophète. Na kisha anaambia nabii. Tu vas épouser une prostituée. Utaenda kumuoa kahaba. Et pendant la vie de ce prophète. Na ndani ya maisha ya prostituée a continué à être prostituée pendant qu'il est dans le foyer. Ndani ya maisha ya unabii, huu kahaba aliendelea kufanya ukahaba japokuwa alikuwa na mume. Pour que le peuple se rende compte. Ili kwamba taifa lote. C'est comme ça que Dieu souffre. Ya kwamba ni hivi ndivyo Mungu anateseka. Donc quand Dieu peut amener quelqu'un dans des actions où ou des choses assez extrêmes, wakati Mungu anaweza kumleta mtu ndani ya vitu ama vitendo vilivyo vigumu sana dans sa volonté parfaite. Sikusema ya kwamba hivyo ndivyo Mungu anahitaji ndani ya mapenzi yake kamilifu. Mungu anahitaji apane masomo. Afin qu'après la leçon, ili kisha somo, la personne revienne dans la vie normale. Mtu arudi ndani ya maisha ya kawaida. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas agréable, na si ya kupendeza, d'obliger Dieu, kumshurutisha Mungu, à t'amener dans ces opérations extrêmes. Akupeleke ndani ya hii vitu vya hatari. Il est mieux, ni vizuri, d'obéir à Dieu, kumtii Mungu, dans des termes normaux et classiques. Ndani ya hali ya kawaida. Parce que son amour, sababu upendo wake, nous pousse parfois, mara inatusukuma, je veux dire le pousse parfois, inamsukuma mara, à nous frapper, atupige. Mais ce n'est pas qu'il aime, il a du plaisir à nous frapper. Lakini si kusema kwamba anafurahi anapotupiga. Mais lorsqu'il se rend compte, lakini anapogundua, que nous n'arrivons pas à comprendre, ya kwamba atufikie kuelewa, dans un contexte simple, ndani ya mazingira ambayo iko rahisi, alors il monte à des niveaux supérieurs. Hapo sasa anapanda kwa viwango vya juu. Alléluia. Amen. Il est Dieu et il est libre. Dans ses opérations, nous avons vu que Dieu, on l'appelle le Dieu indépendant. Dans le contexte de sa souveraineté, de sa suprématie, il est indépendant. Il ne dépend de personne. Il ne dépend même pas de notre existence. Il ne dépend même pas de l'univers. Je vous ai déjà dit plusieurs fois. Si Dieu peut, veut à ce moment ici créer un autre univers, il le fait. Donc nous ne sommes pas si importants ou si spéciaux. Le fait que nous soyons là, c'est juste son cœur aimant, son amour, sa bonne volonté. C'est pourquoi nous devrions nous humilier. Même quand Dieu nous bénit, on ne devrait pas être arrogant. La Bible dit, relève la poussière ce qui est abaissé. Elle le fait asseoir avec les notables du pays. Donc si toi tu es déjà assis avec les notables du pays, n'imagine pas que tu vas rester seul. Il va élever d'autres. Mais il y a un autre verset qui vient après. Il élève l'un et il abaisse l'autre. Donc, si Dieu veut te... Il aime dire kuporomoka. Si Dieu veut te précipiter des hauteurs où tu es, il peut te précipiter dans un ou deux jours. C'est fini. Tu finis. Unaisha. Donc, nous devons nous humilier devant Dieu. Ni kusema tunapaswa kunyenyekea mbele ya Mungu. Nous devons nous humilier devant ses instructions. Tunapaswa kunyenyekea mbele ya maagizo zake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais vous montrer deux textes. Ningependa niwaonyeshe andiko mbili. Ce sont des textes que vous connaissez. Ni maandiko mnayoyajua. Le premier, c'est Deutéronome chapitre 28. Ya kwanza ni ndani ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Et dans ce texte, Dieu montre deux tableaux. Le tableau positif et le tableau négatif. Du premier au 14e verset, c'est le tableau positif. Du 15e verset au 66e verset, c'est un tableau terrible. Le premier tableau, c'est pour ceux qui obéissent. Le deuxième tableau, c'est pour ceux qui n'obéissent pas. Donc, quand vous lisez ces deux tableaux, vous pouvez aussi constater que certaines choses que tu vis ressemblent à ce qui est dit dans ces tableaux. Je vous ai dit la fois dernière, très souvent, le besoin du chrétien lorsqu'il va devant Dieu est à deux niveaux. Soit comprendre ama kuelewa, comprendre ce qui, comprendre sa requête, comprendre son problème, soit ama obtenir ce qu'il demande. Kupata ile ambayo anayoiomba. Parce que déjà le fait de comprendre ton problème, sababu ile tendo ya kuelewa, c'est un grand pas. Inakuwa ni hatua kubwa. Beaucoup de gens qui vont devant Dieu watu wengi wanaoenda mbele ya Mungu, sans comprendre leur problème, bila kuelewa shida yao, ils sont malheureux. Mara wanakuwa watu waone. Parce qu'ils savent pas ce qui leur arrive. Sababu hawajui nini nawafikia. Il ne comprend pas son problème. Haelewe shida yake. Et très souvent, na mara nyingi, lorsque nous sommes en jeûne et prière, wakati tuko ndani ya mafungo na maombi, l'Éternel ouvre notre esprit pour que nous comprenions notre problème. Ili tuweze kuelewa shida yetu. Il est arrivé même quelquefois que certaines personnes, ya kwamba watu wa moja, plus ils s'approfondissent dans les jeûnes, zidi wanaingia kilindini ndani ya mafungo, ils vont commencer à voir dans des songes, des choses bizarres. Et que quand tu vois une chose bizarre, et tu dis, ça fait 8 jours que je me sanctifie. Comment je peux voir ça dans les songes? Et vous prenez ça comme une attaque. Pasteur, vraiment le diable m'a attaqué aujourd'hui. Vraiment, on est à peine prié. Et puis j'ai rêvé mari de nuit. La réalité, c'est quoi? C'est que plus tu t'approfondis dans la prière, ta sensibilité spirituelle augmente. Et Dieu te permet de voir ton problème. Ce mari de nuit n'est pas venu ce jour-là. Il existe dans ta vie. Et c'est lui qui a la base de tous tes malheurs. Mais tu ne savais pas. Mais à force de t'approfondir dans la prière, alors Dieu ouvre une fenêtre. Et tu perçois ce qui se passe. Dieu essaye de dire ceci. Mon fils, ma fille, voici tazama la cible sur laquelle il faut attaquer. Ile ambayo unapaswa kushambulia. Voici ta vraie requête. Tazama hitaji lako ya kweli. C'est ici qu'il faut frapper. Ni hapa ndipo inaomba upige. Et très souvent, na mara nyingi, lorsque tu as découvert maintenant ton problème, wakati umegundua sasa shida yako, tu pries efficacement. Unaomba kwa nguvu. Et le problème se résout très vite. Na shida inatatuliwa haraka. Très vite. Haraka. Les uns vont rêver en train de voler sur un balai. Wamoja wananza kulota wako wanapanda juu ya. Unakuwa mchawi ya conscient. Ijapokuwa wewe ni mchawi bila kujua. Je vous choque. Ninawakwaza. Il est important ni ya muhimu d'être sérieux dans les jeûnes et prières. Kuwa kabisa wa kweli. Parce que plus tu t'approfondis, plus Dieu répond. Je pourrais dire, Dieu donne les introductions à ton exaucement. Il te révèle la réalité de ta vie cachée. N'est-ce pas, quelquefois tu te réveilles fatigué. Il y a des gens. Kuna watu, il dort bien à 20h, 22h. Wanalala vizuri, pasa, hey, le matin, il est fatigué. Na kisha sasa asubuhi anaamka akiwa amechoka. Quelquefois, ça peut être problème de santé. Mara inaweza kuwa ni shida ya afya. Mais la plupart des fois, lakini mara nyingi, tu as des problèmes que tu ne connais pas. Una shida ambazo wewe huzijui. Certaines fois, on te fait travailler dans la sorcellerie sans que tu le saches. Mara wanakutumikisha ndani ya uchawi bila wewe kujua. Ou alors les esprits impurs. Amaro chafu. T'utilises et travailles et te travailles la nuit. Zina kutumikisha usiku. Au point quand tu te réveilles, na hata unapoamka, tu as trop travaillé la nuit. Umetumika sana usiku. Alors il faut être attentif. Sasa inomba uwe mwangalifu. Dans des moments de prière comme ça. Ndani ya wakati wa maombi kama na haya. Et si Dieu te révèle une chose qui te paraît bizarre, kitu ambacho kinaonekana kwako kama kibaya, sache que c'est un grand pas, inakuwa ni hatua kubwa, vers ta solution, inayoendea suluhisho lako. Tu connais maintenant, unajua sasa, le champ de tir, shamba la mapigano. C'est ici, ni hapa, qu'il faut tirer, ambapo inaomba kupiga. Alléluia. Amen. Alors Dieu dit à son peuple, sasa Mungu anaambia watu wake, ndani ya kitabu cha kumbukumbu la Torati, regardez ça avec moi, muitazame pamoja na mimi, Deutéronome 28, kumbukumbu la Torati 28, si tu obéis bien, ukitii, dans ma version il est écrit, ndani ya maandishi, si tu obéis bien maandika, à la voix de l'Éternel ton Dieu, ukitii vizuri kwa sauti ya Bwana Mungu wako, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, kwa kuchunguza na kutimiza hii maagizo yote ninayokupa siku ya leo, l'Éternel ton Dieu, Bwana Mungu wako, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Atakuwa huo mkubwa juu ya mataifa yote ya duniani. Regardez comment Dieu introduit ses affaires. Tazama Mungu namna gani anaanza vitu vyake. Quel est l'exaucement le plus exquis que tu peux désirer de la part de Dieu? Ni nini kujibiwa iliyo juu ambayo unaweza kuhitaji mbele ya Mungu? Voyez comment il introduit. Unaona namna gani anazilia? Je te donnerai la supériorité. Nitakupatia uwe mkubwa. Sur toutes juu, les nations de la terre. Juu ya mataifa yote ya dunia. Mais si tu as la supériorité sur toutes les nations de la terre. Kama uko mkubwa juu ya mataifa yote ya dunia, suko na yote. Tu as tout. Una yote. Parce que tu peux dire à tel peuple, sababu unaweza kuambia taifa fulani, amenez-moi l'or qui est dans votre pays. Mniletee dhahabu ambayo iko ndani ya nchi. Et ils amènent. Na wanaileta. Nyinyi. Amenez-moi le pétrole. Mniletee mafuta ambayo iko ndani ya nchi. Parce que tu as la supériorité. Sababu uko mkubwa. C'est ce qui fait que certaines superpuissances aujourd'hui se battent. Na hiyo ndio naacha kwamba mataifa les États-Unis, la Chine, ou la Russie. Marekani, Urusi na China. Tout le monde lutte pour être au sommet. Kila mtu anapigana ili akuwe mkubwa, awe juu. Parce qu'il contrôle les richesses du monde. Sababu anaongoza na tawala utajiri wa dunia. Rappelle cette affaire de 5G, non? Si mnajua hii kitu ambao walikuwa wanaita G5 hapa karibuni. Huawei dit bon, moi j'ai déjà les 5G. Huawei anasema mimi nimekuwa na G5. L'Amérique dit tu ne publie pas ça. Na Amerika nasema hauta itangaza. Parce que toi là, mais tu peux pas être premier dans ça aussi. Sababu wewe hauwezi kuwa wa kwanza ndani ya hii. Nous aussi on a ça. Na sisi tuko nayo. Mais montrer le vote. Si muonyeshe ça sort pas. Haitoke. Et on les complique les Chinois. Na wanawakoroga wa China. Ou prendre le temps. Ili wachukue de muda. Finir leurs travaux de laboratoire. Ya kumaliza kazi zao ndani ya viwanda. La supériorité. Ukubwa. Si tu obéis bien, ukitii vizuri, ah bon? Ndio. Dieu te donnera la supériorité, Mungu atakupatia sur ukubwa, toutes les nations de la terre. Juu ya mataifa yote. Et il s'adresse à Israël. Na iko namwambia Israel. Et aujourd'hui, na leo, nous savons, tunajua, que ce petit Israël, ya kwamba ile Israeli ndogo, je ne sais pas si Israël est plus grand que le Rwanda. Sijui kama Israeli iko kubwa kushinda Rwanda. Petit morceau de pays comme ça. Inakuwa ka kipande kidogo ka nchi. Un peu plus grand je crois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un petit morceau de pays. Inakuwa ni ka kipande kidogo. Vous voyez Congolais, quelquefois dans le passé récent, les gens disaient non, mais ces petits pays les Rwanda là, ils peuvent pas toucher, non, nous sommes grands. Wadada. Tunajua zamani watu walikuwa wanasema kaenti kidogo kama Rwanda. Geographiquement vaste ou géographiquement petit. C'est une question d'avoir. Haiko kitu ya kukua ono wewe uko na nchi kubwa. La grandeur là dans la tête. Ukubwa ni humo ndani ya kichwa. Si aujourd'hui certains pasteurs peuvent avoir des groupes armés. Kama leo wachungaji wa moja wanaweza kuwa na vikundi vya majeshi. Anaenda kawinda. Unaenda winda magari na wewe huo pasteur. C'est dans la tête là, il y a quoi même? Umo kichwani mwako muko nini? Qu'est-ce qu'il y a là? Umo ndani mna nini? Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Revenons un peu en termes individuels. Est-ce que tu sais que Dieu peut aussi donner la supériorité dans les nations à un individu? Dieu peut te bénir de telle manière que ta présence se retrouve dans toutes les nations. Si Dieu te bénit et qu'il veut t'amener dans la supériorité en question, la supériorité, écoutez-moi frère, la supériorité n'est pas seulement une affaire de politique. La supériorité, il faut nous couper chef de l'État, il faut que je sois un chef président de l'État, pays mbili, il faut que je sois un président de des nations, Mainchitano, que j'ai cinq pays que je président dirige, de l'Afrique. Mimi ni raisi wa Afrika. Non. En individu, Dieu peut te donner la supériorité. Mungu anaweza kupatia ukubwa. Cherche Dieu. Tafuta Mungu. Link bien avec Dieu. Wende pamoja, vizuri pamoja. Sois fidèle. Uwe mwaminifu. Dans ta localisation. Ndani ya mahali yako. Dans ce en quoi Dieu t'a mis. Ndani ya ile ambayo Mungu amekuweka ndani. Bientôt. Hapa karibuni. Tu auras la supériorité. Utakuwa na ukubwa. Dans toutes les nations. Ndani ya mataifa yote. Même dans les affaires. Hata ndani ya biashara. Il y a des gens aujourd'hui kuna watu leo qui vendent 24 heures sur 24 heures. Ambao wanauza vitu, wanauzisha vitu saa makumi mbili na l'argent juu ya makumi mbili na ine. 24 sur 24. Usiku mzima pesa ziko zinaingia. Usiku na mchana. Et là c'est pas des miettes hein. Na hiyo sio pesa kidogo kidogo. Parce que tes affaires sont sur tous les fuseaux horaires. Sababu biashara yako inaingia kwenye kila hesabu ya wakati. Sona hii dunia iko kikuke kibule ike. Wakati ni usiku huku. Wako na uzisha vitu huku. Na kisha usiku unapofika huko. Wakati usiku utafika kule. Na huku wako na uzisha. Na pesa ziko zinaingia tu hivyo. Comme un tourbillon. Inakuwa kama vile mpepeo. Voyez toutes ces histoires de McDonald's, de toutes ces choses que vous connaissez. Unaona hivi vitu vyote vya McDonald's. Tarifu za vile pia eti unafika ndani ya mji. Anakuwa kana huku. Unaona wametia chapa yake. Tarifu quelque part. Unafika fasi nyingine wameshatia chapa yake. Mimi si ile la. Supériorité. Ukubwa. On ne sait même pas si ces gens-là connaissent Dieu. Hatujua hata kama wale watu wanamjua Mungu. Mais ils ont appris à bien fonctionner dans leur tête. Lakini wamejifunza kutumia. C'est vrai, certains sont des méchants, ils y arrivent par la... Hakika kuna wengi ambao ni waovu wanafika. Mais Dieu promet ça aussi aux siens. Lakini Mungu anaahidi hiyo pia kwa walio wake. Si tu obéis bien. Ukitii vizuri. Alors lisons-nous ce texte-là. Sasa tusome hii andiko. On y va. Twende. Lisons ensemble. Tusome pamoja. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, on peut lire ensemble. Si tunaweza kusoma pamoja, haraka tafadhali. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton bétail, de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel donnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé de mon nom, du nom de l'Éternel, ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et les portées de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son beau trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir. Tout le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations et tu t'en emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut, tu ne seras pas en bas. Tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. 14. Et que tu ne te détourneras ni à gauche ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Ça. Maintenant, kama Mungu anakuambia hivi, si Dieu te dit ceci, si obéir, passe. Obéis maintenant. Vous voyez, nous cherchons les bénédictions très loin. Unajua, tunatafuta baraka alors mbali que Dieu a déjà mis à la portée la voie. Quelle est la voie? Ijapokuwa obéir. Mungu ameshaweka njia. Njia ni gani? Ti. Obéir. Ti. L'obéissance. Utiivu. Verset 15. Shaili la 15. Peut y aller, mais lakini aïe, mais lakini, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. J'aime la version Louis Sego révisé. Elle dit, Mandisha Louis Sego, au verset premier, imerekebisho voici nasema, toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Anasema tazama, ça dit ça ne va pas rester en route. Ni kusema au premier verset, shaili la kwanza anasema, ya kwamba tazama baraka zote ambazo zitakufuatilia na ambazo zitakufikia. Toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Tazama laana yote les malédictions ne vont pas te rater. Ni kusema laana haitapita pembeni yako. N'avez-vous jamais parlé comme ceci? Certains en ont parlé, ils ont dit, je ne comprends pas, quand il y a des malheurs envoyés à Goma, mi si takosa. Hamujasikia watu ambao wanasema hivi ya kwamba wakati kuna mateso ambayo nafika Goma siwezi kosa. Je ne manquerai pas ma part. Sitakosa sehemu yangu. Mais quand il y a des bénédictions. Lakini wakati kuna baraka. Je n'ai pas de part. Mimi sina sehemu. Qui viendront et qui t'atteindront. Ambazo zitakuja na zitakufikia. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Les textes qui suivent sont terrible. Mandiko je vous donne le devoir à domicile et lire cela à la maison. Kazi nyumbani, mais mon frère, ma soeur, lakini, ndugu yangu na dada yangu, quand tu vas, je prends kangourou quelques versets, je vous les montre rapidement. Nitaonyesha shaili fulani fulani. Verset 16 par exemple. Shaili la 16, il est écrit, imandikwa, tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Utalainiwa mjini, utalaminiwa hata mashambani. Ta corbeille, ta hue seront maudites. Kitunga chako, kikapo chako, fruits de tes entrailles, fruits de ton champ, les portées de ton gros et de mes bétails, toutes ces choses seront maudites. Mazao ya tumbo yako, mazao tu seras ya maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Wako, manyama zako, si tu n'appelles qu'à y le verser, utalainiwa quand tu veux voyager, Seigneur, tu vois, tu as dit, je serai béni au départ, je serai béni à mon arrivée. Si mina voyager, on y bariki Mungu. Tunaposafiri tunakuwa tukisema mara hii shaili oh Bwana unisema utabariki kwenda kwangu na kurudi kwangu. Verse dans son contexte. Je, mnakuta sasa hii shaili ndani ya mazingira yake. Ça s'applique. Inatimilika. À ceux qui obéissent. Kwa wale wanaotii. Si tu es dans la désobéissance. Kama wewe uko ndani ya uasi. Ça te concerne pas. Hii haikuhusu. Verset 21, l'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur. Bwana atakupiga na tauni, atakupiga na chaleur brûlante, magonjwa de desséchement, takauka, kukauka, des jaunisses, des gangrènes qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Mpaka wakati utakapopotea. Mais est-ce que vous avez remarqué quelque chose dans ce texte ici? Je m'en ai kitu ndani ya maandiko hii. Il n'est pas dit le diable. Haiko kusema kwamba ni shetani. Il est dit quoi? Imesemeka nini? Qui fait ça? Nani anafanya hii? Vous comprenez pourquoi nous avons besoin de comprendre notre problème. Mnaelewa sababu gani tunahitaji kuelewa shida yetu kwanza? Gangrène, fièvre, consomption, Roma, sijui magonjwa ya kila aina. Nous faisons quoi? Nous disons kwa jina la Yesu na frappé corona, kwa jina la Yesu na frappé Ebola, kwa jina la Yesu na frappé magonjwa kwa jina. Sasa kama baba njo ameituma unafrappé ayo kwa jina la Yesu. Si c'est le père qui l'a envoyé, puis tu commences à le chasser au nom de Jésus. Vous voyez que abidake? Vous voyez que ça ne tient pas. Ça ne colle pas. Tous les malheurs que les êtres humains vivent sur la terre ne viennent pas du diable. C'est comme ça que quand tu frappes le diable, pour les malheurs qui sont venus de Dieu, il sourit et il te regarde et il te dit, à ce moment-là, le diable fait maï maï. Tu dis, quoi, China, là, je dis maï. Le diable, il a quoi maï maï? Est-ce que ça tient? Il est écrit l'Éternel, 1, 2, 3, 4. L'Éternel. Maintenant, je vais me comporter comment? Quelle doit être ma prière? Seigneur, fais-moi comprendre mon problème. Fais-moi comprendre mon problème. Quand tu comprends ton problème, tu sauras mieux prier. Unapoelewa shida yako vizuri, utajua kuomba vizuri. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Et quand vous continuez jusqu'au dernier verset de ce Deutéronome, na unapoendelea hadi kwa sheria la mwisho ya kitabu ya hii Kumbukumbu la Torati 28, jusqu'au verset 68, hadi kwa sheria la 68. Regardez le verset 66. Angalia shairi la 66. Il est écrit. Imeandikwa. Ta vie. Lisons ça ensemble. Tuisome pamoja. Ta vie sera comme en suspense. Maisha yako itakuwa kama vile nasimama. Devant toi. Mbele yako. Tu trembleras la nuit. Utatetemeka usiku. Et le jour. Na mchana. Et tu douteras de ton existence. Na utaanza kusita juu ya kuwa kwako. Ta vie est en suspense. Maisha yako inakuwa kama vile inasimama. La vie en suspense. Maisha ambayo inasimama. Jusqu'à te faire douter. Mpaka unaanza kushaka ton existence. Ya kwamba niko siko. Ya quelqu'un qui est dans cette situation ici? Je kuna mtu ambaye yuko ndani ya hali hii. Quelle est la clé? Fungo ni gani? Si tu obéis bien. Ukitii, ça veut dire si tu obéis bien, ni kusema ukitii vizuri, même cette vie comme en suspense hata hii ya kusema, va tout de suite basculer hii yote ambayo dans la bénédiction. Itakuwa inageuka inakuwa cette baraka. Semaine quelqu'un va basculer sa vie wiki kuna mtu ambaye sheti ageuze dans la première partie ndani ya sehemu ya kwanza. Frère, ndugu, décide d'obéir, amua kutii, et ta vie bascule, na maisha yako itahama. Dans les choses positives de Dieu. Ndani ya vitu vizuri vya Mungu. Seigneur, est-ce que c'est vrai? Bwana, oui, c'est vrai. Kweli, ndio ni kweli. Et Dieu l'a fait. Na Mungu aliifanya. Et beaucoup d'êtres humains sur la terre. Na wanadamu wengi duniani. Ont vécu ça. Waliishi hii. Ils ont vécu cela. Waliishi hii. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La plupart des temps, mara nyingi, Dieu veut bien commencer avec nous. Il veut nous amener loin. Il nous fait même de graves promesses. Comme il le fait avec Israël. Dans Juge. Regardez ça, après on va continuer. Juge. Wamzi. Chapitre 1er. Prenez Josué en même temps, chapitre 1er. Mchukue hivyo hivyo kitabu cha Yoshua sura ya kwanza. Bwana sifiwe. Amen. Josué. Yoshua. Chapitre 1er. Sura moja. Verset 2 et suivant. Shaili la pili na kuendelea. Je lis pour nous. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Héthiens jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, ne te délaisserai point et je t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Vous avez vu? Il y a une grande promesse d'un territoire. Et puis, Juge, chapitre 1er. Sura moja. Alléluia. Amen. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» L'Éternel répondit, « Juda montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. » Verset 8, « Les fils de Juda attaquèrent Jérusalem et la prirent. Ils la frappèrent, du tranchant l'épée, mirent le feu à la ville. Les fils de Juda descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la contrée du Midi et la plaine. » Ainsi de suite. Juda se mit en marche avec Siméon, son frère, et ils battirent les Cananéens qui habitaient à Tchéphak. Ils dévouèrent la ville à interdit et on l'appela Homa. Juda s'empara encore de Gaza et de son territoire d'Ascalon et son territoire de Cron et de son territoire. L'Éternel fit avec Juda et Juda se rendit maître de la montagne, etc. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et la chança les trois fils d'Anak. Bon ainsi fut. Amen. On a bien vu qu'on a toqué. Vous voyez ce qui est en train de se produire? On vient de parler de Juda et de Siméon. Wamemaliza kuzungumzia Yuda na Simeoni. Josué les a amenés et ils viennent de partager le pays. Yoshua amewaleta na wamemaliza kugawa nchi. On a déjà délimité, on a dit toi, c'est la zone est, la zone sud, centre et tout ça. Wameshagawa nchi wanasema wao ni mashariki, magharibi. En position de prendre sa portion. Na kila taifa, kila et Dieu leur a dit, tayari kuchukua sehemu yake. Je vous donne ce pays. Na Mungu aliwaambia na wapatie. Deutéronome chapitre 1er. Ndani ya Kumbukumbu la Torati sura 1. Verset 6. Mstari wake wa 6. Regardez ça. Tazama hii. On va revenir à Juge. Tutarudi ndani ya kitabu cha Waamuzi baadaye. Chapitre 1er. Kumbukumbu la Torati sura 1. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant. Bwana Mungu wetu alituambia Horeb. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous nyingi mgeuke. Tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée. Vous avez vu ça dit tout à l'heure, on a lu cela, dans la vallée, dans le Midi, sur le côte de la mer, au pays des Cananéens, au Liban, jusqu'à la grande, au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, et voyez, j'ai mis le pays devant vous. Qui a mis le pays? L'Éternel. Est-ce qu'ils sont déjà dans le pays? Non. Ils sont au sud. Wako kusini. Ils vont faire encore presque 2 ans watafanya tena karibuni pour arriver dans les plaines de Moab pour rentrer par Jéricho. Ili wafike ndani ya mabonde la Moab na waingilie Jéricho. Est-ce que mon ami est? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes là? Je peux voir ceux qui sont là. Naweza kuona wale ambao wako. Ok. Verset 8. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez, prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac, Jacob, et de donner à eux et à leur postérité. Allez-y, j'ai mis le pays devant vous. Et dans Juge, c'est la mise en pratique. Judas, Yuda entre anaingia, et il prend possession. Na anachukua miliki. Qu'est-ce que tu fais, Juda? Unafanya nini, Yuda? J'obéis. Ninati. J'obéis. Ninati. Et quand j'obéis, na wakati ninati, le ciel est ouvert sur moi. Mbingu nafunguliwa juu yangu. J'attaque. Ninashambulia. Ça marche. Mambo inaendeka. Si je n'obéis pas, kama siti, le pays ne va pas se mettre devant moi comme ça. Il faut que j'obéisse, que j'attaque, et je prends le pays. Si je n'attaque pas, si je ne conquiers pas, ça ne sera pas à moi. Je n'aurai pas le territoire en question. Et voici ce qui arrive avec l'essentiel des tribus d'Israël, des fils de Jacob. Na makabila nyingi ya Israeli wana wa Yakobo. Allez au verset 21. Mwende kwa shahili la 21. Juge. Juge 1:21. Waamuzi sura 1 mstari 21 imeandikwa. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens et ci de suite. Verset 22. La maison de Joseph monta aussi contre Bethel, l'Éternel fit avec eux. Donc tu montes, l'Éternel est avec toi. Unapanda, Mungu yuko pamoja na wewe. Tu montes pas, haupandi, l'Éternel te laisse, te regarde. Bwana anakuacha. Il y a des bénédictions qui vous sont promises. Kuna baraka ambazo zimeahidiwa juu yenu. Tu montes, unapanda, tu les obtiens. Unapata baraka hizo. Tu montes pas, haupandi, tu les obtiens pas. Hautazipata. Le jour où tu prends la décision de monter, si kuna poka mata wa mzi tu constates que Dieu est avec toi. Unagundua ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Si tu te calmes, na ukiwa kimya, Dieu se calme. Na Mungu naye anakuwa kimya na nyamanza. Regardez. Tazama. Verset 27. Shaila 27. Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shemesh. Verset 29. Ephraim ne chassa point les Cananéens. Verset 30. Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron, etc. Verset 31. Aser ne chassa point les habitants d'Akron. 33. Nephtali ne chassa point les habitants de Beth-Shemesh. Maintenant, qui a pris le territoire? Sasa, nani ambaye alichukua inchi? Vous êtes déjà là. Mumeshakuwa hapo. Dieu vous a dit, Mungu amewaambia, il y a deux ans, comme rappel dit, levez-vous, partez, le pays est déjà là. Mais vous n'obéissez pas pour chasser ceux qui habitent là-dedans. Conséquence. Regardez la conséquence. Chapitre 2. Juge. Un envoyé de l'Éternel montant de Gilgal à Bokim et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte. Je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Parfois j'ai pitié de Dieu. Je te conseille de commencer à avoir pitié de Dieu. Tu deviendras obéissant. Quand tu lis la Bible, tu as pitié de Dieu. Regarde ce qu'il dit. Il envoie son prophète et leur dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Je vous ai dit ça. Hata siku moja sitavunja agano langu pamoja nanyi. Et vous, na nyinyi, vous ne traitez point, vous traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs hôtels. Mutavunja mazabahu yao. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Lakini hamukuti sauti yangu. Vous n'avez pas obéi. Hamukuti. Et il pose la question. Nana uliza swali. Et pourquoi avez-vous fait ça? Na sababu gani mulifanya hivyo? En tout cas, Dieu vient comme un grand-père. Baba na Mungu anakuja kama vile babu. Hana fimbo. Ina pas de fouet. Tu parles comme ça, nous on a désobéi, nous on a commis des bêtises. Et tu dis, mais pourquoi vous n'avez pas fait ça? Vous voyez, quand il vient chez, dans les jardins de Nain auprès d'Adam, il dit, pourquoi vous avez fait ça? Regardez ce qu'il dit ensuite. C'est triste. Il dit, j'ai dit alors, je ne les chasserai plus devant vous. Ah. Ils seront à vos côtés et leur Dieu vous sera un piège. C'est-à-dire quoi? Pourquoi, Seigneur? Dieu se désengage de sa promesse. Il dit, je vous ai dit, avec comme preuve, votre petit frère, Juda, il a obéi et il a pris les terres. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça? Alors, je ne vais plus chasser avec vous. Les tribus ici peuvent dire, Dieu, mais Juda, il est fort. Tu avais prévu que lui, ce sera la tribu des guerriers. Nous, on n'est pas tribu des guerriers. Mais est-ce que vous avez vu Dieu dans les champs de bataille en train de dire Mungunjo oule, uliona malaika wali tupiti ambele. On n'a pas vu ça. Hawakuona ndani ya shamba mapigano wa malaika wakipita mbele. Mais ce n'était pas moins ça. Lakini haikukua kidogo kushinda hiyo. Dieu était vraiment présent avec Juda. Mungu alikuwa kabisa pamoja na Juda. Et si Simeon aussi s'aimait pour y aller, Dieu sera vraiment présent avec Simeon. Si Dan avance, Dieu sera vraiment présent avec. Et si toi, c'est ma cet après-midi, tu te mets vraiment en marche pour obéir. Tu te rendras compte que ça marche. Ça marche. Dieu n'aime pas trop se présenter, venir physiquement pour que mon ma malaïka. C'est pourquoi j'aimerais ici tirer l'attention à quelqu'un. Il y a des gens qui prient Dieu kuna watu wanaomba Mungu dans les termes suivants. Ndani ya maneno kama Seigneur, Bwana, tu as dit qu'il y a des anges qui marchent avec moi. Ulisema kwamba kuna malaika montre-moi ces anges. Na mimi. Nionyeshe wale wa malaika. C'est pas nécessaire. Haiko ya maana. Ces anges ne sont pas gérés par nous. Wale wa malaika waongozewa na sisi. Il est écrit, on a lu ça, non? Ce sont les anges au service de Dieu ni wa malaika wanaomtumikia qui sont Mungu envoyés pour exercer un ministère auprès de nous. Kwa ajili ya kufanya ils ne sont pas envoyés par nous pour exercer un ministère auprès de nous. Hawakutuma kwetu, hawatumwe na sisi ili mais ils ne sont pas moins opérationnels. Lakini si kusema kwamba hawatumiki. Sur les ordres de Dieu. Juu ya maagizo ya Mungu. Ils opèrent effectivement. Wanatumika kihakika. Juda a opéré. Juda alitumika. L'armée invisible a été avec lui. Na jeshi lisiloonekana. Il a gagné le territoire. Na akapata nchi. Simeon. Simeoni. Son frère. Ndugu yake. Il a fait. Mais les autres. Alifanya lakini wengine. Qui ont désobéi. Ambao waliasi. Dieu est fatigué d'attendre qu'il se mette en marche pour qu'il agisse. Mungu amechoka kuwachunga ili wasimame waanze kutumika. Et puis il leur dit, na kisha anawaambia, OK, je ne ferai plus. Sawa, sitafanya tena. Un peu comme na mimi nawachoka, mimi nawachoka. Je suis fatigué aussi de vous. Mimi nawachoka. Sitafanya tena. Je ne vais plus faire. Hallelujah. Amen. Et il est dit beaucoup plus grave, plus loin. Na nasema ndio kwa sababu ya hatari sana mbali zaidi. Il est écrit alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et dit puisque cette maison, cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrit à ses pères et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations. Sababu hawakunitii sita fukuza tena mbele yao hata taifa moja. Allô? Allô? Vous êtes toujours là? Mungali hapo. Dieu dit, Mungu anasema, comme vous avez obéi, njisi mumeti, je ne chasserai plus ces nations. Njisi amukuti, sitafukuza tena haya mataifa. Aucune de ces nations. Hata taifa moja. C'est ainsi que je mettrai par ces nations-là ndivyo nitaweka kupitia mataifa haya Israël à l'épreuve. Nitaweka Israeli kwa kipimo. Donc Dieu était en train d'agir derrière Israël. Ni kusema Mungu alikuwa anatumika nyuma ya Israeli. Mais comme il n'a pas obéi. Lakini sababu hawakutii. Dieu dit OK. Mungu anasema sawa. Je ne ferai plus alors. Sitafanya tena. Et il quitte. Na anajitokea. Et il vient dans le camp de l'ennemi. Na kisha anakuja ndani ya kambi ya adui. Et dit je vais utiliser ces ennemis là. Na anasema nitatumia wale maadui. Ili niwapatie sasa masomo. Si mnaisoma. Vous avez lu ça? Vous avez lu ça? Umeisoma. Vos ennemis là, que vous alliez exterminer. Ambao mungepaswa kuangamiza. Moi maintenant, mimi sasa. Okay. Sawa. Je les laisse là. Nawaacha hapo. Et je vais les utiliser maintenant. Na nitawatumikisha sasa. Et je vais les utiliser pour savoir si vous allez prendre garde ili, ou non. Ili nijue kama mtakamata angalisho mapana. La voix de l'Éternel comme vos pères dans le passé. Na kama mtachukua angalisho na mfuate njia za Bwana Mungu kama vile wa baba zenu. Regardez un verset triste. Zamani. Angalia shahili la kuzunukisha. Verset 23. Shahili la 23. Et l'Éternel laissant repos qui? Na Bwana akapumzisha les ennemis. Akapumzisha maadui. Mungu Baba akapumzisha adui zao. Dieu le Père a fait reposer leurs ennemis. Alikuwa ngambo zetu. Il était de notre côté. Juha tuti. Pour que, parce que nous n'obéissons pas. Il est fatigué de amefanya nous. Na yote, il a tout fait. Amechoka. Et il est fatigué. Akasema, okay. Il a dit maintenant, sawa. Ça va. Munahitaji ma leçon. Vous avez besoin d'avoir des leçons. Minaenda mukan ya adui wenu. Je pars dans les camps de votre ennemi. Adui. Ennemi. Sita wafanya tena kitu. Je ne vais plus rien vous faire. Vous voulez ça? Je ne vous fais plus rien. Moi, l'Éternel, je vous donne du repos. Est-ce que vous pouvez constater certains ennemis qui sont en repos aujourd'hui? Je kuona maadui fulani ambao wanapumzika leo. Et comme eux, les ennemis ne savent pas ce qui se passe, ils pensent qu'ils sont forts, mais ils profitent de notre désobéissance. Quand nous sommes désobéissants, wakati sisi ni waasi, Dieu dit bon que Mungu anasema sawa, tu n'as rien compris, hamukuelewa kitu, je laisse reposer tes ennemis naacha madui zako wapumzike, et les ennemis prospèrent contre toi. Na madui wanaendelea, wanakushambulia. Et vous avez l'impression, na unafikiria, et curieusement, ça peut être vrai. Na inaweza kuwa kweli ya kushangaza sasa. Que Dieu ya kwamba Mungu favorise les ennemis anakuwa akiwapendelea maadui kukushinda wewe. Les ennemis sont favorisés par Dieu. Madu wana il y a même le psalmiste qui a parlé ça. Kuna hata il a dit, mais Seigneur, mais ceux qui font le mal sont favorisés. Anasema hata wale wanaofanya mabaya, ni kama vile wanapendelewa mbele yako. Et ils progressent. Wanaendelea. Et nous autres là, on fait les surplaces. Na kisha sisi tunabaki tu ufasi moja. Est-ce que ce n'est pas en réponse à ta désobéissance? Je, hii haitokane na uwasi wako. Chacun regarde un peu sa vie. Kila mtu angalie kwanza maisha yake. Qu'est-ce qui se passe? Nini napitikana? Avec toi. Pamoja na wewe. Tu peux prendre ton carnet. Unaweza kuchukua buku et commencer à écrire la liste de tes désobéissances. Na uanze kuandika orodha ya uasi wako. Tu désobéis en quoi? En quoi? Nasi ndani ya nini? Ndani ya nini? Écris, allez-y. Andika. Compte tes désobéissances, écris ça. Anza kuhesabu maasi yako. Mimi nakuwa na désobéir muiki. Mimi nasi ndani ya. Nakuwa na désobéir na muiki. Je désobéis souvent dans ceci. Nakuwa na désobéir na mukile. Dans cela aussi. Alléluia. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Lakini utukufu murudilie Mungu. Parce que son cœur, sababu moyo wake, quand il dit je vais utiliser les ennemis, anaposema nitawatumikisha maadui, pour voir ili nione, si votre conscience va finalement se réveiller. Kama zamiri zenu donc zita Dieu amuka. Est encore en train de laisser une mesure de grâce. Ni kusema Mungu iko na achiria mais une mesure de grâce qui va dépendre lakini de notre neema, prise de conscience. Ambayo italingana na kuchukua zamiri kwetu. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Ok, tu vas continuer ce devoir à domicile à la maison. Utaendelesha na kazi hiyo ya kuandika masi yako nyumbani. Vous connaissez devoir à domicile? Unajua kazi ya nyumbani? À la maison. Nyumbani. Alors, comment la désobéissance naît dans le cœur d'un homme? Namna gani uasi unazaliwa ndani ya moyo wa mwanadamu? Premièrement, ya kwanza, je voudrais partager sur quatre manières ou cinq nichangie juu ya namna dont la désobéissance prend siège dans le cœur de l'homme. Ambapo uasi inakamata makao la première, ya kwanza, c'est l'amour propre. Inakuwa ni upendo wa binafsi. Et la promotion essentielle du moi. Na kuinua sana umimi ndani ya uchinga. Le moi. Umimi. C'est un grand facilitateur de la désobéissance. Inakuwa ni murahisishaji wa sana wa uasi. Certains hommes pensent watu wamoja wanafikiri que l'homme ya kwamba mwanadamu qui est fort et efficace ambaye iko na nguvu c'est celui qui a un grand moi ni ule ambaye iko na umimi kubwa anyoroshaka shingo écoutez un peu les phrases autour de vous. Msikilize kwanza misemo ambayo inakuwa ces gens de frère non non là il a touché à mon amour propre. Oh hii maneno kama na hii hapa amegusa kwa upendo wangu. Non frère, non madame, non madame. Hapana mama, hapana. Non non non non non chef. Hapana. Non chef, non non là là tu touches à mon. Hapo kabisa unanigusa, unagusa hapo. Unagusa nini? Tu as touché quoi? Amegusa nini? Mon amour propre. Upendo wangu binafsi. Il a touché à mon moi. Amegusa umimi wangu. Et lorsque ton moi na wakati umimi wako grossi, grandi, prend les géants. Inanenepa, inakoma. Tu deviens de moins en moins obéissant. Unageuka muasi pole pole. Les gens qui ont développé beaucoup leur moi, watu ambao wamekomalisha umimi wao, sont généralement désobéissants. Wanakuwa watu waasi. Parce que lorsqu'une instruction vient, sababu wakati kuna kuwa agizo ambalo cette instruction se heurte agizo hilo linagongana à leur moi na umimi wao et leur moi leur dit na umimi wao inaambia non ça ça ça non non hapana hii hapana non ça non hapana hii pourtant ijapokuwa l'homme efficace mtu mwenye nguvu je pense selon moi nafikiri c'est celui qui a développé la conscience de la présence des autres. Ni ule ambaye amekomalisha dhamiri za kujua ya kwamba wengine wako. Les autres êtres humains. Wanadamu wengine autour de lui. Karibu na yeye. Un grand homme, mwanamke, une grande femme, mtu mkubwa, c'est celle qui a une grande conscience. Ni ule ambaye ana dhamiri kubwa. Non pas de son moi, hapana ya umimi wake, mais de la présence des autres êtres humains. Lakini ya uwepo ya wanadamu wengine. Pourquoi? Sababu gani? Il est grand. Parce que nous sommes venus sur la terre sababu tumekuja duniani pour être utile. Ili tuwe na mafaa. Nous sommes pas venus sur la terre hatukukuja duniani pour être grand. Ili tuwe wakubwa. Même quand tu pries, hata kama unaomba, Seigneur, élève-moi. Vous avez entendu ce genre de prière. Oh, Bwana niinue. Umesikia Mungu niinue. Pour certaines, Mungu niinue signifie kwa wamoja Mungu komalisha, ni komalisha batu baka. Fais-moi grossir et que les gens se mettent. Mungu ameniinua. Dieu m'a élevé. Les gens qui ont un gros moi, watu wanaokuwa na umimi kubwa, ils asphyxient les autres. Wanakuwa wakiwafunika wengine. Mais les gens qui ont la conscience de la présence des autres êtres humains, Lakini wale ambao wanakuwa na dhamiri za wepo wao. Ils prennent conscience de leurs enfants. Wanachukua dhamiri ya wepo wa watoto wao, de leur mari, wake wao, waume wao, de leurs subalternes au travail, wanaokuwa chini yao kazini, de leurs collègues, de leurs époux, de leurs supérieurs, waume wao, wakubwa, de leur père, wa baba zao. Finalement même de leur source. Na hata kwa mwisho na visima ama chemchemu yao. Lorsque tu es rempli de ton moi. Wakati unajazwa na umimi wako. On va offrir à Dieu en même temps. Tutakuwa tukimtolea Mungu. Lorsque tu as fortement conscience de ton moi. Wakati unakuwa na dhamiri kubwa ya umimi wako. Tu prends tout l'espace. Unachukua nafasi yote. Imaginez un pasteur qui a un gros moi. Angalia mchungaji ambaye anakuwa na umimi kubwa. Eh? Okay, pasteur est soit anaja kimwa moi qui a bien qui na commande. Le pasteur, vous allez avoir de la place ici. Le pasteur est soit rempli d'un grand moi. Amtapata nafasi hapa. Cher maman. Kwa mama wapenzi. Pourquoi tu vis dans ton foyer comme si tu n'as pas de place chez toi? Sababu gani unaishi ndani ya nyumba yako kama vile hauna nafasi kwako? Parce que le moi de ton mari est tellement gros. Sababu mimi wa mume wako ni mkubwa sana unanenepa. Tu n'as plus d'espace dans ta maison. Na una tena nafasi ndani ya nyumba yako. Il a pris tout l'espace. Amekamata nafasi yote. Regardez le papa qui a un gros moi. Tazama baba mwana. Kaire vient du boulot. Anaporudi kazini. Les enfants font quoi? Watoto wanafanya nini? Sauf qui peut. Kila mtu anakimbia. Ils vont à chambre. Anaingia ndani ya chumba. Les autres vont jouer au foot. Wengine wanaenda kucheza mpira. Tumwachie nafasi. Tenuli laisse la place. Anajaa sana. Il est rempli. Atawali. Kisha unabakia wewe peke unatawala television. Et puis tu restes seul, tu commences à régner sur la télé. Règne maintenant. Mais on a tawa la bibi pia qui s'est caché quelque part. Dit un sucré. Et puis il règne. Je peux avoir de l'eau à boire dans cette maison. Qui s'est caché quelque part. Alors une femme qui est, elle est partie se cacher, elle amène de l'eau rapidement. Mama amenda jificha na leta maji haraka. Anapanga, akisha panga maji anafanya nini? Anakaa pale hapa. Après avoir mis. Anarudia. Elle rentre encore. Elle a dit à cet homme d'obéir aux lois du mariage que Dieu a établi. Tout de suite, il te cherche un verset biblique. Éphésiens 4, 22, 5, 22. Femmes, soyez soumises. En fait, son moi, le même mal à l'aise, a plutôt le même à l'aise. Son moi le met à l'aise lorsqu'il constate que tout le monde a break, tout le monde est à genoux. Et demain quand il rentre au boulot, il a l'impression qu'il est chez lui. Et il voudrait que ses collègues aussi lui laissent de l'espace, qu'ils aillent se cacher aussi. Demande à ton voisin quel est l'état de ton moi. Comment est ton moi? Umimi wako iko namna gani? Les gens qui ont des gros moi, watu ambao wanakuwa na umimi kubwa, veulent que le monde entier soit à leur service. Wanahitaji ulimwengu mzima watumikie. Allez, servez-moi. Mnitumikie. Mais vous me servez, vous vous cachez. Mnanitumikia kisa mnaenda jificha. Ils veulent que tout leur soit soumis. Wanahitaji yote itii mbele zao. Maintenant, si tout est soumis, sasa kama yote toi tu es soumis à qui? Sasa wewe unatii mbele ya nani? Tu obéis à qui? Wewe unamtii nani? Il n'obéit que à son moi. Anatii tu tu umimi wake. Et la parole de Dieu vient là-dedans. Na neno la Mungu linakuja mbele. Elle lui dit, si tu obéis bien, ukitii vizuri, à la voix de ton moi, kwa sauti ya umimi wako, eh? Tu obéis à qui? Unatii nani? À la voix de l'Éternel, ton Dieu. Kwa pas à la voix de ton moi. Apana kwa sauti ya umimi wako. Et ce genre d'homme, leur moi parle très fort. dans leur esprit, dans leur conscience. Leur moi crie fort au point qu'il suffit tout moukwarouze. Aïe! Ou même moukwarouza. Tu ne connais juste un peu. Shida! C'est un problème. Shida nanz. C'est le problème qui commence. Dis, toi c'est qui? Waouh, nan. Mais, hein? Dis, viens. Toi c'est qui? Waouh, nan. Nini me toquer. Qu'est-ce qui est arrivé? Ou même moukwarouza. Tu l'as juste cogné un peu. Ata kukumaliza. Et il veut te finir même là. Qu'est-ce qui va te terminer? Son moi. Son moi ne supporte pas la présence des autres. Son moi veut que ce soit lui qui ait toujours le dernier mot en toute chose. Or, dans cet univers, qui a le droit d'avoir le dernier mot? C'est qui? C'est Dieu. Donc, celui qui fait grandir son moi devient Dieu. Ça, salimi ya ole mungu mwiko pembeni ya. Salimi maintenant le Dieu qui est à côté de toi. Ouais, ou comme mungu basse. Est-ce que toi, tu es Dieu? Moussoge. Hein? Poussez-vous. Moussoge. Poussez-vous. Wey, utati mungu siku gani? Toi, tu vas obéir à Dieu quand? Pour toi, est-ce que Dieu existe? Dieu, wewe, mungu iko kabisa ndani ya maisha yako. Et le dimanche matin, na asubuhi siku ya mungu, à l'église, unaenda kanisani. Kabisa? Oui, vraiment. Kisha tunatonea ile wimbo. Et puis on entend un cantique. Avec les anges on adore. Avec les anges on adore. Ali assis sur le trône. Son nom c'est Jésus. Ok, maintenant lui assis sur le trône. Et toi assis sur quel trône? Ça ça y est, na kiti kwenye kiti cha enzi. Sasa naona que tous genoux sont pliés. Unakaa kwenye kiti cha enzi gani? Nos genoux sont pliés. Magoti yetu nakunjwa. Mutamwona yeye apige magoti yake basi. Est-ce que vous allez lui voir vraiment sa genie? Nos genoux sont pliés et nos mains sont levées. Car c'est lui qui est assis sur le trône. Son nom, c'est Jésus. Tes genoux pliés. C'est un carton qui plie les genoux là. Carcasse. C'est son carcasse qui se plie là. Est-ce qu'il peut même mettre les genoux par terre? Hein? Mais c'est la carcasse. C'est pas son cœur. Maintenant Dieu dit, na kisha Mungu anasema, tu ne commettras pas l'adultère. Hautazini. Et puis, na kisha, sa femme est grosse. Mke wake ni mjamzito. Elle a des difficultés. Na na ugumu. Et lui, il est rempli de son moi. Na yeye anajaa mimi. Parce qu'il doit être servi. Sababu anapaswa kabisa. Quand il reçoit ses visiteurs. Anapopokea wageni wake. Comme David avait reçu un visiteur. Kama vile Daudi alipokea mgeni. Il fait quoi avec ses visiteurs? Anafanya nini? Il les amène au restaurant. Anawapeleka kwenye duka la kukula chakula. Les adultes ont compris ce que j'ai dit. Wakubwa watu wazima wameelewa ile ambayo nimesema. Pourquoi tu n'obéis pas? Sababu gani hauti? Non, quand même, na mimi niko mwanadamu. Moi aussi je suis un homme. Bibi kona magumu. Ma femme a des problèmes, des difficultés. Niko quand même mutu. Je suis aussi un homme. Na niko mutu, niko. Vous avez entendu le moi. Niko quand même mutu, dit. Je suis un homme. Je suis quand même un être humain, dit. Na mimi niko mwanadamu. Siko chuma. Je suis pas un fer. Siko chuma. Je suis pas un fer. Siko chuma. Je suis pas un fer. Laissez-moi. Wewe utatii Mungu siku gani? Toi tu vas obéir à Dieu quand? Utatii Mungu siku gani? Quand est-ce que tu vas obéir à Dieu? Et lorsque tu développes trop ton moi, na wakati unakomalisha sana umimi wako, tu vas finir à être incapable d'obéir à Dieu. Utafikia mwisho hauna tena uwezo wa kumtii Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Est-ce que je dis vrai? Je nasema kweli. Celui qui croit que je dis vrai acclame le Seigneur. Anayeamini ya kwamba nasema kweli amshangilie Bwana. Ceci est arrivé à Lucifer au ciel. Il est paraphrasé dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, versets 13 à 14. Ndani ya kitabu cha Isaya 14, 13 hadi 14. Par ce qui s'est passé avec le roi de Babylone. Wanamfananisha na ile ambayo ilipitikana pamoja na mfalme wa Babiloni. Il dit. Anasema. Il est dans le ciel de Dieu. Iko ndani ya mbingu ya Mungu. Mais il dit. Lakini anasema. Je monterai. Ni tapanda. Tu disais à ton cœur, comptez les jeux, chaque jeu représente le moi. Allons-y, lisons akilisha ensemble. 1, 2, 3. Moja, mbili, tatu. Tu disais à ton cœur, deux points. Mwaka, je monterai au ciel. Nitapanda mbinguni. Je lèverai nitainua mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Juu ya nyota za Mungu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai kasebe sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Qui ai-je? Nani, moi, ni mimi. De Lucifer. Mimi Lucifer. Je. Ni. Je. Ni. Je. Ni. Quelle est la suite? Inayofuata nini? Verset 12. Shaili la 12. Ah oui, 15. 15. Et tu as été précipité. Na ulishushwa. Là, sous ce jour de mort, dans les profondeurs de la fosse. Et ceux qui te voient, fixent sur toi les regards, ils te considèrent attentivement. Est-ce là c'est toi qui faisais trembler la terre? Qui est brûlé? Qu'est-ce qui s'est arrivé? Il a été précipité. Et la Bible dit, l'orgueil précède kiburi, la chute. Proverbe 16, 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Ceci est arrivé aussi à Salomon. Dans Ecclésias chapitre 2, verset 1, il dit, j'ai dit à mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie. Tu goûteras le bonheur. Utasikia utamu wa furaha. Il dit à son cœur. Iko naambia moyo wake. Il dit à son moi. Iko naambia umimi wake. Allons. Twende. C'est une manière de dire muniache. Laissez-moi. Yeah. Qu'est-ce qui lui arrive? Nini namfikia? J'ai résolu. Nikaamua. À mon cœur, le moi. Ndani ya moyo wangu. De livrer ma chair au vin. Ni towe mwili wangu. Tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse na et de m'attacher. Ongoza na hekima. Vous voyez un être humain. Unaona mwanadamu. Et dit de m'attacher à la folie. Ni ambatane na ujinga, upumbafu. Aya. Je vais m'attacher à la folie. Nitambatana na upumbafu. Jusqu'à ce que je visse ce qu'il y a de bon pour les fils de l'homme et de faire sous les cieux pendant le nombre de jours de leur vie. Mpaka wakati nitaona ile ambayo iko mzuri juu ya mwana wa mtu. Donc, j'ai résolu de donner à mon moi tout ce que mon moi va demander. Ni kusema ni maamua nipatie umimi wangu ile ambayo umimi wangu utaniomba. Les gens qui sont remplis du moi, watu ambao wanajaa umimi, cherche à tout prix wanatafuta kila à servir leur moi. Watumikie ile umimi wao. Et si tu as un chef rempli de son moi, na kama unakuwa na mkubwa wa kazi ambaye anajaa na umimi, pole. Ha, pole. Avez-vous vu ce genre de chef? Jamona wakubwa kama na hao. Il est 18h. Imefika saa 12 ya jioni. Lui il est encore dans son bureau. Yeye angali ndani ya ofisi yake. Et vous ne devez pas partir. Na hamupashwe toka. Parce qu'il a instruit. On ne sort pas avant le chef. Maintenant, mettez dans ce bureau les les caméras cachées. Vous voyez qu'est-ce qu'il fait vraiment d'important. Il est possible qu'il est en train de chatter. Ou de transférer des vidéos. En fait, il n'a pas envie de rentrer chez lui très tôt. Parce que Bibi a science et sema qui en a mutawala. Vous voyez les femmes quand elles viennent témoigner ici, non? Parfois ça révolte les gens qui ont des gros moi. Ils sont choqués par certains témoignages. Mara wanakuwa zika na ushuda fulani fulani hapa. Parce qu'une femme à l'église a témoigné depuis que j'ai prié pour mon mari, en tout cas bwana yangu alishakuwa mutu. Il est vraiment redevenu un homme, il rentre à la maison à 17h. C'est de tout témoignage que souffrent les agents d'un bureau d'une entreprise. Ils souffrent de tout témoignage. Si je rentre à 17h, ma femme va risquer d'aller témoigner aussi. Alors il reste au bureau. Mais comme son moi doit être nourri par la présence, parce que s'il est au bureau seul, ça ne sera pas agréable. Il faut que les gens soient là. Parce que tu es chef. Ta chefferie, c'est parce qu'il y a des gens. Est-ce que vous avez déjà eu assez de plaisir lorsque vous êtes chef dans votre boutique? C'est toi-même le vendeur, c'est toi-même le boss, c'est toi-même le balayeur, c'est toi-même, c'est toi le boss. Ça te donne combien de fiers là? Mais lorsque tu as 15 agents, lakini wakati unakuwa na watumishi 15, j'ai entendu ce genre de personnes dire, non, parce que j'arrive un peu au bureau donner des ordres. Je vais aller d'abord donner les ordres, puis je reviens. Vous voyez? Je vais aller donner les ordres. Et certaines femmes rentrent chez eux aussi à la maison. Pour aller donner les ordres, les matériaux domestiques. Je vais donner les ordres. Ils sont fiers de ce vocabulaire, donner les ordres. Parce que ça sent les chefs. Maintenant, toi, tu n'as pas d'agent. Tu vas donner des ordres à qui? À toi-même. Ça ne nourrit pas beaucoup les mois, ça. Donc, la joie du moi existe lorsqu'il y a les gens. Si on te laisse la vie de Goma, seul. On dit donc, tu es le gouverneur, tu es vice-gouverneur, tu es le ministre des finances, et toutes les maisons de Goma c'est à toi, les voitures qui sont là c'est pour toi, les comptes, l'argent qui est à la banque centrale de Goma c'est pour toi. Ok, qui est-ce que tu as fait un robot? Et puis tu vas construire fabrique des robots pour que les robots restent avec toi dans la ville. Tengeneza sasa marobo ili zibaki pamoja na wewe mjini. Itakuwa ville ya butamu basi. Est-ce que ça sera une ville merveilleuse? Les robots ne vont pas nourrir ton moi. Robots hazitalisha ile umini. Tu seras pas satisfait. Hautatosheka. Bientôt tu vas piquer un AVC. Hapa karibuni utashikwa na mshtuko. Tu prendras même un revolver, tu vas te tirer dessus toi-même. Utachukua hata na silaha wewe mwenyewe utajua. Parce que ton moi va maigrir. Ton moi n'est plus nourri. Quelqu'un a un gros moi ici. Kuna mtu anakuwa na umimi kubwa hapa. Je ne vais pas dire lever la main. Sitasema mnyoshe mkono. Bwana sifiwe. Amen. Nous sommes en train de parler des choses qui entretiennent la désobéissance. Tuko tunaongelea mambo ambayo inakuwa ikitengenezea njia kwa uovu. Et si tel est ton cas, na kama hii ndio tu as besoin de faire un gros travail. Unahitaji kufanya kazi kubwa. Pour vérifier comment je suis arrivé à avoir un gros moi comme ça. Ili uchunguze namna gani nimefikia kuwa na umimi kubwa. Est-ce qu'il y a des démons qui m'entretiennent dans ça? Kuna mapepo ambayo iko inani. Est-ce que ce sont les initiations qu'on a fait avec Kimbirikiti ou avec c'est pas Kalicia ou quelque part là, on nous a initiés dans certaines cultures. On enseigne aux jeunes garçons d'être des hommes. Il ne faut pas que la femme commence à te mépriser. Et même quand ta femme va aller à la maternité, à cause du moi, tu ne sais même pas l'amener à l'hôpital. Les gens vont dire quoi? Que mimi nanza kwa au service de la femme. Que je commence à servir ma femme, nanza kumtumikia mkeo. Anenda kuzalia katoto yako we. Il va accoucher ton enfant, ton enfant. Bwana sifiwe. Amen. Sasa si tusimame. Levons-nous maintenant. Kila mtu angalie hii moi et que tout un chacun de nous commence à observer la dose de son moi. Quelle est la teneur de ton moi? Bona moi ya kwena kutesi na kurande de très mauvais services. Ton moi commence à te rendre. Ton moi fait que tes voisins s'éloignent de toi. Tes enfants souffrent à la maison. Tout le monde est malheureux. Même à l'église. Ton moi fait que ukishaingia kui avenue ya mabiti. Lorsque tu es dans cette avenue, dans ces et le protocole dit. Protocole anasema. Tu peux te mettre un peu plus. Ndugu, les autres viennent. Je suis concentré. Je suis concentré. Dans cette église, pasteur, il faut parler au protocole. Vraiment, quand nous sommes concentrés, il vient nous déranger. Il dérange quoi? Ton moi. S'il te plaît, frère, il y a une place vide là-bas. Tafazali, ndugu, kuna il y a des gens qui sont debout là à la porte. Na kuna watu ambao wanasimama kule. Balete, bale batu, bana baleta, unaka. Kisha ule ndugu, le pauvre frère, il est venu prier Dieu. Ule ndugu kabisa, alikuja omba Mungu wa baba. Jua afike kwile kiti. Il faut naviguer. Inomba jikaze, kaze. Si tu as foutu délivrance, chasse la délivrance. Tu as foutu ta délivrance, si moi, il qu'on a coûté ça. Chasse la délivrance parce que ton moi va te fermer le ciel. Il est concentré, si on a prétendu quoi, moi je suis concentré, c'est faux. Le ciel est fermé sur toi. Tu vas sortir vide de l'église. Tu vas sortir vide. Parce que Dieu résiste au sababu Mungu anapingana na wenye kiburi. Songe tu kamati le kiti comme ça banakuya mbe nyuma baikale, c'est facile. C'est juste un peu, prends les sièges qui sont vides et les autres vont venir après, ils vont s'asseoir. Alors vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure. La vraie personne bien, c'est celui qui a conscience de la présence des autres êtres humains. Vous voyez ça? Si tu es conscient que tu existes au milieu des autres êtres humains et que tu fais partie d'eux, ou t'as sogea. Tu vas serrer. Kusogea ni nini? Serrer c'est quoi? C'est obéir au protocole. Ni kutii protocole. Est-ce qu'on peut obéir au protocole? Je tunaweza kutii protocole. Est-ce que c'est un péché? Je ni zambi. Pourquoi on a établi le protocole? Pour qu'il nous arrange bien dans l'église. C'est de l'obéissance aussi. Il est écrit. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Donc il faut obéir à cette instruction aussi. Mais toi tu ne veux pas? Qui ne veut pas? Ton moi? Levons-nous. Chacun formule sa requête et nous commençons à prier. Kila mtu anaanza kutengeneza hitaji lake na tunaanza kuomba. Donnez-nous un cantique un peu et puis nous prions. Kwa hiyo watupe nyimbo kisha tuanze kuomba. Je vous ai dit et je vous rappelle. Niliwaambia na nawakumbusha. Ce programme ici est très précieux. Mpango hii ni ya muhimu sana. Parce que Dieu veut nous aider. Sababu Mungu anahitaji kutusaidia. À enlever les choses. Kuondoa mambo. Qui nous ferme le ciel. Ambazo zinatufungia mbingu. Nous sommes dans les lieux très saints. Mais le ciel fermé. On est dans l'arène des œuvres de Dieu. Mais le ciel fermé. À cause du moi. Et d'autres choses qu'on va voir. Na mambo mengine tutakayoyaona. Levons nos mains, on va prier. Tunyoshe mikono yetu tutaomba. Dites Seigneur.